couche. C'est plus la merde comme couche. Omicron, les larves comme douche. Là, pour Khalis, j'ai des terres que jeune roumain, et solala. Chaque jour, salade, négro, malade, et somala. Trouve-moi avec Kaki, en train de fumer le caca. Comme le figile acquis, Omic, chant rituel comme AK. Pour nous, la victoire, c'est acquis. Arrose la prod comme AK. On reste vrai, eux se maquillent. Runique en solo comme AK. C'est des pieds fractés comme des craquettes. Dans les abysses comme des kraken. Goddamn, négro, fuck le rap game. Je veux pas finir comme Black N. Sprite rose comme goût. Petit, sip, sirop, on l'a tout. Petit, vrai négro depuis tout. Petit, où je suis, je vous vois tout. Petit, squat. Prends des notes. Lis sur ses lèvres. 667. Bitch, on s'élève. Cours de découpe, ils sont élèves. Élève. Le résultat, c'est à graver. Faut que là, les notes sont tes parents. Si les négresses veulent graver CD, faut qu'atterrer, faut qu'on rencontre tes parents, bitch. Bitch, on s'élève. Si c'est dans ses lèvres. Cours de découpe, ils sont élèves. Élève. J'arrive pas comme si c'est. Terre et flot débridé. Fais cette merde comme débridé, négro. Je veux pas mourir aidé. J'ai mixé, mixé. À non plus voir que couleur. Négro m'a brisé. Je ne sens plus la douleur. À la haine pour les cognés. Si c'est grave sur le premier. J'écoute pas si n'y a cogné. 2015, mais n'est que c'était prêt. Toujours effet sur la. La vie de tes poches là, on est très jeune, on les élèves. Chaîne agrégé professeur. Comme on veut, tu qui se révèle. On va le school et ça n'est pas un quart d'heure. C'est que ça fait de la présence. Quand je t'esquive comme ta sœur.